et Maddy. Faucon Millénial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres, et bienvenue dans Faucon Millénial, le podcast le plus vieux de la galaxie. Oh, je suis votre capitaine Grushkov, et je serai aujourd'hui accompagné de mon équipage, composé de Maddy. Bonsoir. Adrien. Hello, hello. Et Monsieur Psporn lui-même. Je l'appelle toujours comme ça. Mais vous le connaissez plus sous le nom de The Spaceshipper sur Blue Sky. Et je crois que c'est tout et nulle part ailleurs. C'est bien ça. En tout cas, je suis plus sur X, ça c'est sûr. Bonsoir. Et salut. Voilà. Comment ça va tout le monde? Ça va. Ça va super. Noël arrive. Moi, je suis content. Il y a les musiques de Noël, les téléfilms de Noël. Et j'aime bien Noël. Le Holiday Special. Et le Holiday Special. Ah ouais, faut que je regarde. Moi, ça m'énerve quand les Américains, ils mettent que le Holiday Special, c'est à Thanksgiving. J'avoue. Ouais, pour moi, c'est un truc de Noël. Je comprends pas pourquoi il le fait. C'est peut-être, peut-être parce qu'il est sorti à Thanksgiving. Le Live Day, ils le font à Thanksgiving, mais ça n'a aucun sens. Parce que moi, ça ressemble plus à Noël. Le concept de Thanksgiving m'énerve. Oui, mais alors ça, c'est un autre truc. C'est culturel. Et c'est leur culture. Hein. De toute façon, les Américains font pas sens, donc... Ouais, c'est ça, c'est sûr. Ça. Et du coup, okay. On va parler aujourd'hui des 10 ans d'un film américain, justement. Le Réveil de la Force, ça fait 10 ans déjà que le film est sorti. Avec tous ces nouveaux personnages, tous ces anciens personnages et évidemment ces nombreux vaisseaux spatiaux. C'est pour ça qu'on a ramené le spécialiste, mais pas que, parce que évidemment, de par ton métier en général, tu fais beaucoup de recherches, tu es très informé et du coup tu as énormément d'informations que les gens, parfois, le commun des mortels, ne possède pas, notamment concernant la genèse, on peut dire, de certains projets. Et du coup, avant qu'on se lance vraiment sur l'impact du film en lui-même, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur... comment le projet en est venu à exister tout d'abord. Est-ce que c'est d'un projet qui a commencé avant le rachat de Disney ou après? On a entendu un peu de tout. Et justement, donc Pierre, où est-ce que ça a commencé, le Réveil de la Force? Et donc, c'est merci pour cette introduction à un podcast qui va durer 17 heures. Donc, on commence en 1978. quand George Lucas il a dit hey, on va faire 12 films Star Wars ou 9, ça dépend des mois là, tu sais, quand il a quand il voulait étendre son premier film là, et qui est devenu l'épisode 4. À l'époque déjà il avait déjà noté quelques idées, mais qui ont vite été mis de côté avec la sortie du Return of the Jedi, tout ça, et puis toute l'époque où il a arrêté de faire du Star Wars parce qu'il sentait que c'était pas encore le moment pour faire la prélogie avec tous ses effets spéciaux. Et il avait noté quelques idées. Il y avait notamment l'histoire de c'était pas forcément la sœur, je crois, de Luke. Ah, mais il y avait une autre Jedi, celle qui était mentionnée dans la Borde d'attaque. Là, quand il dit il y a un autre espoir et tout, à ce moment-là, c'était pas encore Leia. Et il avait une idée comme quoi, après, dans une autre trilogie, on verrait plus ce mystérieux personnage, mais ça avait été mis de côté. Et puis ensuite, il y a eu deux décennies, la prélogie, etc. Et il avait dit un truc qui s'est avéré totalement vrai. Il a dit il n'y aura plus jamais de Star Wars après la Revanche des Sith. ça, on s'en du rappelle. Coup, hein, c'était plus tard, que The Clone Wars. j'allais dire le Réveil de la Force, mais non, la Force Unifiée, là, The Force Unleashed. Et ça, c'était les gros projets à ce moment-là. Et puis, Et puis, il était toujours dans l'idée de ne plus faire de Star Wars, hein, de film en tout cas. Il voulait faire sa série Live Action, Star Wars Underworld, qui devait être un projet qui était avec Star Wars 1313 aussi, le jeu vidéo. Il avait beaucoup d'idées, mais pas de film. Et puis, alors après, là, il y a l'histoire officielle. L'histoire officielle, c'est dur à dire. Au moment où il y en avait ras-le-bol des fans, et de Star Wars en général, mais c'est vrai, il, hein, il y a une interview du Los Angeles Times, je crois, qui date de début 2011, où il dit clairement pourquoi continuer si on se fait détester tout le temps, ce qui me paraît assez logique. Oui. Et à ce moment-là, il disait non, il n'y aura pas de Star Wars, etc. Mais en fait, selon certaines interviews, à l'époque, il commençait déjà à plancher sur des synopsis pour trois autres films, pour l'épisode 7 à 9. Et en même temps, c'était l'ouverture de Star Tours 2, enfin The Adventure Continues, aux États-Unis, qui est fait avec Disney. Et c'est à ce moment-là qu'il a, George Lucas, discuté avec Bob, notre cher ami Bob Iger. Bob. Et qu'ils ont commencé à discuter pour vendre Star Wars. Et donc là, c'est servi de produit d'appel, non seulement devant la licence, mais vous aurez aussi trois synopsis de quelques lignes, sans doute, qu'on n'a jamais vu pour l'instant, sur ce qui se passerait après. Et ça, on sait qu'il a travaillé dessus avant, au moment où il vendait, quoi, en gros en 2012, début 2012, quand le moment où ils ont commencé à arrêter plein de projets, mystérieusement, qui s'arrêtaient, puis des Star Wars détours qui disparaissent, etc. Là. Et puis Disney a arraché Star Wars, et puis ils ont regardé toutes ces synopsis, et puis ils ont décidé de ne pas les utiliser. Il y a des idées qui ont été prises, mais ils sont partis sur leur propre direction. Et George Lucas lui-même, qui était consultant au tout début de la création du film, du Réveil de la Force, au moment où on appelle le moment Blue Sky, c'est-à-dire le moment où ils ont... Le scénario était en cours d'écriture, c'était Michael Arndt au début, le scénariste de Toy Story 3, Little Miss Sunshine. Et il dit tout. Ben oui, je dis tout, non, c'est que le début, tu rigoles. Non, mais c'est très très bien, vas-y. 17h, 17h. Exactement ce que je voulais. Non, je m'arrête juste au moment où ça devient le Réveil de la Force. C'est-à-dire que George Lucas, au début, il devait être consultant, et puis dans une interview, il a dit, en gros... peu importe ce qu'ils vont être dit, je ne serai pas d'accord et c'est plus moi qui décide, donc je les laisse faire et puis c'est une nouvelle génération qui le fait. Après, on sait que des fois, il a dit qu'il le regrettait, etc. Mais il a vendu son truc, donc il avait plus... c'était plus son bébé, quoi. Et donc, en fait, il y a eu quand même, on va dire, plusieurs idées pour une troisième trilogie par George Lucas, celle des années 70 où c'était très, très vague. Puis ensuite, celle de 2011 où c'était visiblement plus centré sur la politique, un peu comme la prélogie. Et il y avait aussi une histoire, je crois, autour des midi-chloriens et de la force, etc. Un truc, encore une fois, en droite ligne de la prélogie, quoi. Et finalement, donc ils ne sont pas partis dessus. Et donc, voilà pour la partie qui précède la vraie production du Réveil de la Force. Et du coup, Michael Arndt ne faisait plus partie du projet. il a fait partie du projet encore pendant quelques temps après, parce que je crois qu'il a travaillé 8 mois et il a dit après j'ai besoin de 18 mois. Les listés ont fait non, c'est pas possible, on a dit que le film il sortait dans 2 ans, on va pas te laisser le temps. Donc là, c'est là qu'ils ont appelé DJ Abrams, qui était déjà dans le réalisateur à ce moment-là, et Laurence Kasdan, qui était consultant à ce moment-là, qui n'était pas scénariste au début, pour finir le script. Ils l'ont fait en 6 semaines, et donc beaucoup plus rapidement que ce que voulait Michael Arndt. Et finalement, ils ont fait très rapide, sauf que le problème récurrent à l'heure Disney, c'est comme la date de sortie est la première chose qu'ils prévoient pour tous ces films. Ils sont pressés par le temps, le script n'était pas terminé et on sait que sur le lieu de tournage, ils continuaient à écrire des scènes, etc. Avec Laurence Kasdan, à essayer de voir un petit peu à régler des problèmes de dernière minute, ce qui est malheureusement un peu la malédiction des films de Star Wars de leur Disney, puisqu'on sait que, mis à part les derniers Jedi, tous les films ont eu des problèmes de production parce qu'ils sont allés trop vite, parce qu'il fallait, vite respecter une date et pour plaire aux actionnaires qui avaient dépensé, Disney avait dépensé 4 milliards. Donc il fallait des résultats rapidement, et c'est un peu le problème qu'il y a eu pour tous les films, mis à part les derniers Jedi. Enfin, on a vu pour Solo et Rogue One que ça a été très compliqué. Et le Réveil de la Force a eu un problème similaire, en fait, ils ont été pressés par le temps. 6 semaines, c'est pas mal, mais à deux, pour avant même de commencer le tournage, on sait qu'ils ont expliqué qu'ils discutaient tous les deux, les deux scénaristes, en se promenant dans New York ou dans Paris, d'ailleurs. Ouais. Mais peut-être que ça explique pourquoi le film est moins original comme l'auraient espéré certains fans. Et en même temps, le fait que c'était peut-être moins... Enfin, plus comme les anciens Star Wars était aussi une bonne façon d'approcher le film. Mais bon, ça, je pense qu'on discutera plus tard sur ce qu'on a, notre ressenti du film, quoi. Bien sûr. Heureusement, J.J. Abrams n'a jamais eu ce problème-là plus tard dans la saga. Et ce n'est pas révélé hyper catastrophique. Donc, on est bien. On est bon, là. Mais le c'est pareil, il a été aussi ils ont réussi à le convaincre au dernier moment pour l'épisode 9. Oui. Pareil, il y a eu des ennuis de production, ils l'ont appelé, il a dû tout faire assez rapidement, il n'y a pas le recul. J.J. Abrams, même s'il y a beaucoup de choses que je critique dans ce qu'il a fait, il y a quand même le fait que au début, en plus, les deux fois il voulait pas, hein. Les deux fois il a refusé une première fois avant d'être convaincu. Et il a été très pressé par le temps, ce qui est quand même à prendre en compte quand on juge le film. Il y avait quand même cette pression derrière qui est, il faut respecter au maximum, même s'ils avaient repoussé celle de l'épisode 9, si je me rappelle bien, qui devait être en mai au début, non, il me semble, un truc comme ça. Oh, c'est vrai, après Solo, il voulait revenir en mai. C'est vrai qu'ils l'avaient repoussé, ils auraient dû le repousser de plusieurs années de toute façon. Ouais, mais c'est Hollywood, ils veulent le résultat financier tout de suite. C'est toujours... Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est pas Hollywood, c'est le capitalisme, quoi. C'est du court-termisme, ouais. Ils ont fait les films trop vite. Et puis après, ils sont pas contents parce que les films sont peut-être mal vus ou que ça donne une mauvaise image de Star Wars pour certaines personnes. Hein. Je parle pas pour tout le monde. Mais aussi, il faut prendre le temps, je pense, de faire grandir une franchise. Et là, pour les films, ils étaient trop pressés de montrer les résultats aux actionnaires, quoi. C'est classique capitaliste. Ouais. Et du coup, est-ce que tu te souviens quand le film en soi a été annoncé pour la première fois? Annoncé? Ouais, annoncé, juste de l'annonce. Parce qu'il me semble que... ils l'ont annoncé directement avec le casque, avec le casque, avec le cast, non? Ou alors, je me souviens mal et ils l'avaient déjà. Ils l'avaient pas évoqué lors de la. Lors du rachat, justement. Ouais, lors du rachat, ils avaient dit on fait épisode 7 c'est à 9. C'est vrai. Ils ont dit, il va y avoir ça, c'est vrai. Absolument. Après, c'est le tournage en 2014 où effectivement, ils avaient, en avril 2014, je crois, ou mars, avril ou mars, bref, ils ont sorti la célèbre photo avec tout le casting qui est autour de la table, là, où ils faisaient les répétitions, qui a été récemment moquée, enfin, parodiée par l'équipe de Spaceballs 2, la folle histoire de l'espace 2. Où là, pareil, pour annoncer le début du tournage, ils ont sorti une, je sais pas si vous avez vu, la même photo, mais avec le casting de Spaceballs 2 et avec plein de détails à la idiot dans le décor. C'était il y a quelques mois, je sais pas si vous avez vu, mais c'était. J'ai pas vu. C'était la première blague du film, se fout de la gueule de justement de la photo de Réveil de la Force. De, la fameuse photo en noir et blanc, là. Ouais, de quoi Oui, la fameuse photo en noir et blanc, là. Ouais, photo en noir et blanc, ouais. Ouais. Alors, je me rappelle, quand j'ai vu cette photo, je crois que j'étais à l'étranger chez ma famille et j'ouvrais mon ordinateur et je tombe là-dessus. C'était quelque chose. Tu m'étonnes. Depuis le temps qu'on attendait ça. Oh là là. Et donc, ils ont annoncé comme ça et la. Je pense que, à part peut-être les Avengers, jusqu'ici, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de franchises qui ont eu une telle anticipation cette dernière décennie, en tout cas. ils ont vraiment bien géré leur marketing sur le film, je trouve. Mais tu sais que Le Réveil de la Force est toujours le plus gros succès aux États-Unis, si on compte pas l'inflation, évidemment, mais c'est toujours compliqué. Ouais. Au-dessus des Avengers, y compris Endgame, c'est toujours le plus gros succès. Parce que c'était le film sans doute le plus attendu aux États-Unis. Dans le monde, après, le chiffre est énorme, hein, mais je crois que c'est plus de 2 milliards aussi. Mais c'est plus d'un milliard pour les États-Unis pour un seul film. C'est absolument incroyable, quoi. Mm-hmm. Donc oui, il y a une attente qu'il n'y avait pas encore pour Marvel à ce moment-là et qu'il n'y a peut-être plus d'ailleurs maintenant qu'on a passé les derniers Avengers. Quoi. Le dernier, il y en a un qui arrive l'année prochaine. Je ne sais pas si tu es au courant. Bah oui, je sais, mais est-ce que ça aura autant de succès? J'ai un doute parce que j'ai l'impression que Marvel a perdu de son lustre de ces derniers temps. Quoi. Ouais, mais tu vois, comme on en parlait avec les amis la dernière fois, moi je m'attends pas à ce que les films Avatar aient autant de succès, et pourtant, le public arrive toujours à me surprendre, et pas toujours de la bonne manière, comme Lilo et Stitch, par exemple, cette année. Mais ouais, quand c'était un vrai bulldozer, une fois qu'ils se sont lancés, toute la campagne marketing, les trailers qui cassent l'internet et tout ça, le reveal du nom, et évidemment, parce que c'est Star Wars, les controverses ridicules sur des trucs qui n'ont aucun intérêt, genre oh là là, il y a un nouveau sabre laser et des trucs comme ça, c'était aussi fantastique à suivre. Moi, tu sais que c'est lié à pas forcément un bon souvenir, parce que le premier teaser, quand il est sorti, je sais pas si tu te rappelles, ça commençait sur un plan de Finn qui se lève là en Stormtrooper du sable, et tout de suite, il y avait une avalanche de remarques racistes sur Internet qui m'avait quand même assez surpris à l'époque que ce soit aussi direct. Le racisme était plus, j'ai l'impression, qu'il était plus, on va dire, un peu caché avant, et à ce moment-là, tout d'un coup, c'est devenu... arrivé dans la nouvelle ère. C'était violent. Grâce à Star Wars. Grâce, entre guillemets. C'était violent quand même. Mais t'as pas parlé d'un truc important de la campagne marketing qui est la vidéo de Didier Abrams, c'est Force for Change. Je te rappelle de cette vidéo où t'avais Didier Abrams qui était avec une créature sur le marché de Jakku, et puis ensuite il y avait aussi un X-Wing et tout. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, je me souviens. Je me souviens parce qu'il avait un nom qui ressemblait à Boba Fett. je me souviens plus de la créature, mais... oui, je me souviens exactement lequel c'est celui qui a une cage avec des oiseaux dans son dos. C'est ça, ouais. Et après, il y avait un autre aussi où c'était le X-Wing moderne. Et c'était... à un moment où il n'y avait pas encore beaucoup de photos ou autres, c'était cool d'avoir quelques images du tournage parce qu'ils sont devenus quand même super secrets par rapport à la prélogie. La prélogie, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur le site officiel, on pouvait voir carrément des images du tournage avec quelques minutes d'écart là, sur une webcam. Et pour Réveil de la Force, c'était beaucoup plus secret. Et moi, j'avais suivi toute la production que j'avais couverte pour un magazine. Et c'était pas simple d'avoir des informations pour ce film. Hein. Ils étaient très, très, très secrets. Et ce que je trouve un peu dommage, quoi, mais bon. Ouais, puis toute la restructuration... Surtout quand on aime bien documenter. Toute la restructuration de leur data bank, hein, sur le site de Star Wars officiel, c'est ça a lieu à l'époque, hein, il me semble un peu avant le film, hein, la Star Wars Encyclopedia ferme pour laisser place à la data bank, et c'est ça, hein. Oui, c'était parce qu'en 2014, ils avaient officiellement rebooté l'univers officiel, là, qu'il y avait quasiment tout qui était passé en Legends, donc il fallait faire le ménage. C'est ça, et on est passé d'un Internet officiel avec beaucoup de contenu à un rien, et comme tu dis, même en termes de behind the scenes, ils étaient assez avares, il a fallu attendre... Vas-y, je t'en prie. Non, attends, je me dis, est-ce que avare, c'est le bon mot, mais probablement. Ouais, si. T'inquiète, c'est moi. Continue. Disons que voilà, on était on était mine de rien un peu un secret quoi. On savait pas trop ce qu'il en était et même les premières images qu'on a eues du film, que ce soit des images ou même des trailers, on n'avait pas grand chose sur le film quoi. Mais est-ce que même le film on avait lui-même, je veux dire. Et en fait, j'ai l'impression que tout ça, c'est parce que Lucasfilm était en mutation complète, qu'il y avait une restructuration globale, non seulement de l'univers, mais aussi de Lucasfilm eux-mêmes. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont été recrutés, remplacés ou autres. Et peut-être qu'ils n'avaient pas encore une politique précise pour la promotion ou autre, qu'on peut ressentir par ouais. plein de détails au niveau de l'information, au niveau de ce qu'ils dévoilaient. Et même, je dirais, le film lui-même, quand on y repense, il y a quand même plein d'informations qui ne sont pas liées dans le film, qui ont été données, comme souvent avec Star Wars, c'est souvent dans les romans et qu'on trouve les détails, mais il y a quand même des informations importantes qui n'ont pas été données. Par exemple, moi-même, jusqu'à quasiment la fin du film, et encore beaucoup de gens m'ont encore actuellement le croient, que dans le film, c'est Coruscant qui se fait exploser et non pas Osnan Prime. Ah ouais. Parce que c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Coruscant. Ouais. Ça ressemble énormément à Coruscant. Et donc, moi, mon fils, encore l'autre jour, on l'a revu le film pour le podcast, quoi. Et il m'a dit « Ah, c'est dommage, Coruscant est détruit. » Je fais « Mais non, c'est pas Coruscant. Coruscant est immortel, voyons. » Et ça, d'ailleurs, c'était ça c'est quand même dommage. Propre subplot. Ça a été coupé au montage. Bah ouais, mais ils auraient dû mettre, je sais pas, marqué Coruscant. Juste ça, comme dans Andorre, tu vois. Pas bon. C'est des petits détails comme ça qui font dire qu'il y avait. Ils sont allés tellement vite qu'il y a des petites choses qui sont passées un peu à la trappe, quoi. Et je aussi, pense. Évidemment, le grand exemple qui des gens aiment bien rappeler aussi le manque de câlin entre Leia et Chewie après la mort de Han. Spoilers, oui. Pardon. que JJ lui-même bon. A dit qu'il regrettait quoi de pas l'avoir fait, par exemple. Ouais. Bah c'est vrai que c'est un peu bête. Il regrettait d'autres choses, mais je plaisante. Et donc, oh, tu m'avais mis une bonne transition et puis j'ai oublié après. Battlestar Galactica, sorti en 2022, 23, c'est ça? Moi, j'ai une question. Oui, Pierre, est-ce qu'à l'époque, alors, je suis désolé, j'ai pas les dates de ton activité en tant que spaceshipper, mais est-ce qu'à l'époque, t'étais déjà bien intégré sur les réseaux sociaux? Oui, je pense. Ouais. Je pense que j'étais bien intégré auprès de mes proches, mais j'avais pas de compte activité... Non, Spaceshipper, j'ai créé en toute fin 2018. Ah d'accord. Donc bien après la force. Non, à cette époque, j'étais surtout, j'écrivais pour la presse, magazine surtout quoi. Ouais d'accord. Et t'as eu toi en tant que journaliste à l'époque t'as pu écrire sur le film autour de Star Wars épisode 7 ou pas du tout? Ah bah épisode 7 de fin 2012, enfin non, le temps que soit publié, on va dire début 2013 à la sortie du film, même voir après tous les numéros, j'avais un article quasiment qui expliquait ce qui se passait niveau ouais. tournage, mais les rares informations officielles qu'on avait, plus tous les projets connexes de Star Wars qui étaient annoncés au fur et à mesure, là, on avait de plus en plus, on a eu Star Wars Rebels, tout ça, et ça s'accumulait, et puis les annonces de films dérivés, ce qui fait que j'avais au moins 2, 3, 4 pages à écrire tous les deux mois, quoi. Et ça me fait que j'ai avec moi un espèce de témoignage de l'histoire officielle, on va dire, parce qu'on ne savait pas tout à l'époque, l'histoire officielle que j'ai écrite au fur et à mesure du développement de Star Wars. Même des moments où je dis c'est le moment où tout est possible, on peut faire des films sans l'Empire, sans les Skywalker, etc. Des trucs qui sont arrivés que plus tard avec genre Skull & Bones ou The Acolyte ou avec Starfighter dans 2 ans. Attends, peut-être qu'il y aura l'Empire et Skywalker dedans. C'est vrai. Ben Solo qui va popper parce qu'ils ont vu le backlash sur internet. Oh Ben, mettez-le dans le film. Et hop, c'est bon, t'as tout. Donc. Et est-ce que. Ouais, c'est vrai. Je me souviens aussi une grosse partie du marketing, évidemment. Le but, c'était de. Comment dire. Redonner la confiance. Du public, regagner la confiance du public en disant on ne fait pas comme la prélogie des trucs, des marionnettes, des trucs comme ça. Alors, regardez, c'est, tout est practical. Tu sais, c'était le practical ad nauseum. Ce qui est très rigolo, vu que comment le film... Le plus drôle, c'est que le film a énormément d'effets spéciaux CGI, mais en plus, ils sont très très bien. Ils devraient en être fiers, parce que surtout quand tu as les Marvel, qui était la deuxième plus grosse franchise, où les CGI sont régulièrement un des points noirs qui sont rappelés. C'était très dommage. Mais ça, c'est une question de gestion. C'était vraiment c'est une question de marketing. C'est une question de gestion et de direction artistique, en fait, parce que si Marvel mettait le budget et donnait le temps qu'il fallait et ne changeait pas, souvent on sait dans les Marvel ce qui se passe, c'est qu'il y a plein d'intermédiaires, par exemple, et des gens qui reviennent tout le temps sur la décision, ce qui est vraiment un truc à pas faire. Il faut essayer d'avoir une idée dès le départ et de s'en tenir, ce qui fait qu'ils ont une espèce de pression et une qualité qui peut-être, comme en plus ils ont les dates de sortie qui sont... immuable à partir d'un moment, ils ont une pression. Alors que Star Wars, j'imagine, comme c'est directement, ils ont directement ALM dans leur Industrial Light and Magic, dans leur escarcelle, ils peuvent plus facilement, je pense, allouer des gens pour essayer d'aller plus vite, etc. Mais ça demande quand même les effets spéciaux, avant même, on va dire, la technique, ça demande une préparation, un budget... Une vision artistique, etc. Et que s'il ne suit pas, ça fait le cas de beaucoup de Marvel où les effets spéciaux ont déçoivent. Et puis, je pense que Star Wars, ils ont quand même la chance d'avoir le studio, même s'il n'y a pas que qui ont bossé sur le film, mais ils ont quand même le studio principal chez eux et ils peuvent vraiment gérer le truc parfaitement. Mais je sais que des fois aussi, ils râlent aussi sur le temps qu'on leur laisse ou le fait qu'il y a des gens qui décident de. Tu vas une semaine sur un plan et là on te dit ah ben non, finalement faut mettre la main là et là tu vas tu repasses une fois, tu vois ce que je veux dire. C'est le travail des responsables, des gars qui sont au-dessus des gars qui font les spéciaux directs, est assez important. Mais c'est vrai que t'as raison, le réveil de la force, je l'ai revu l'autre jour, franchement il y a rien à, je trouve que les effets sont, les trucages sont parfaits. Et à l'époque, même s'ils étaient beaucoup sur le practical, regardez, il n'y a pas d'image synthèse, c'est trop nul, ma synthèse qui est complètement con. Maintenant, c'est devenu ouf. Maintenant, c'est devenu tous les films, ils sont là, sérieux, on a vraiment tourné ça dans un astéroïde, tu vois, c'est un truc de fou. Je trouve ça. Mais il faut dire qu'il y a. Moi, j'ai tout le temps sur Internet, j'ai des gens qui me disent, comme je monte beaucoup de maquettes, puisque je parle aussi de films du passé, et les gens sont, c'est quand même beaucoup mieux que. Les synthèses qu'il y a maintenant, et je fais maintenant, en fait, je suis sûr que si j'étais riche et que je pouvais payer des gens et que je vous fais croire, et je pourrais faire croire par la façon dont le plan est tourné, s'il y a eu le budget, s'il y a eu le temps pour le faire, etc., c'est pas l'outil lui-même qui fait la qualité, c'est la façon dont tu as utilisé l'outil. Enfin, c'est classique, quoi. Tiens, ça me fait... Mais malheureusement, c'est devenu un truc populaire. Enfin, populaire. On va dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça et donc ils utilisent ça comme argument marketing idiot, quoi. Mais moi, nous, on sait que c'est faux. Donc. Et d'ailleurs, ce truc-là, ça me fait penser à un truc auquel j'ai pensé récemment, parce que je regardais les behind the scenes du film The Batman et j'ai découvert comme ça qu'ils avaient beaucoup utilisé pour le film le volume. Ce que je ne savais pas. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a plein de films qui l'utilisent maintenant. Mais dès que c'est Star Wars, les gens sont oh là là, on voit le volume et tout ça. Ça se voit que c'est filmé dessus et tout. Alors qu'il y a plein de films qui l'utilisent et personne ne dit jamais rien. Mais dès que c'est Star Wars. Après, ça dépend. Oh là là, même quand c'est clairement genre, non, c'est bien fait là, il faut quand même critiquer pour le, tu sais, comme un peu comme les CGI en fait à l'époque de la prélogie, hein. Même si bon, après il y a un truc, c'est que ça dépend aussi du nombre de plans. Par exemple dans Batman, c'est surtout les scènes là où ils sont en haut de la tour là où ils parlent avec Catwoman, notamment avec le beau coucher de soleil, tout ça. Il y a eu plusieurs plans comme ça. Là où, si tu prends Obi-Wan Kenobi, il y a des larges parties, des scènes entières qui ont été tournées. Et ça, moi, je le vois direct dans Obi-Wan Kenobi. Ça me sautait aux yeux que Jabim, c'était en grande partie hein, le volume, tu vois. Parce qu'il faut qu'il y ait une enfin, en tout cas, au moment où ils l'ont fait, il y avait la luminosité, etc., était vachement importante dans le rendu. Et là, je trouvais que dans Obi-Wan Kenobi, il y avait un épisode où ça sautait aux yeux. Mais après, oui, t'as raison. Globalement, genre Mandalorian, franchement, le résultat est incroyable. C'est un outil super, mais c'est un outil parmi d'autres, quoi. Absolument, absolument. Mais ça, c'est... Bon, on en reparlera plus tard, parce que bon, le Mandalorian, il y a le film qui arrive. On aura amplement l'occasion de parler de tout ça. Donc, revenons... Top, à nos petits moutons. 2015, la façon dont vous vous souvenez que vous avez réagi aux différentes bandes annonces. Je pense que vous n'êtes pas des dingos comme moi qui se souviennent exactement de chaque différent trailer qu'il y a eu avant. C'est juste votre impression générale de comment vous sentiez par rapport à l'arrivée de ce film. Est-ce que vous étiez convaincu? Est-ce que vous étiez appréhensif? Tout ça. Avant qu'il sorte, tu veux dire? Avant qu'il sorte, ouais. Bah vas-y Pierre, à toi l'honneur. Bah, j'ai l'impression de monopoliser la parole. Allez-y. Mais non, mais attends, t'es l'invité, bien sûr. Attends. C'est juste fini et puis après c'est un autre tour. Eh ben, moi, honnêtement, j'ai vu les trailers, les teasers, etc., j'ai trouvé ça super. Parce que, ouais, c'était le retour de Star Wars, et surtout des nouveaux personnages qu'on connaissait pas. Donc, c'était le mystère, pourquoi il y a un Stormtrooper? Attends, ça veut dire qu'il y a un Stormtrooper, qu'un héros, qui je trouve que c'était une idée super et qui finalement a été mal utilisée dans... je trouve dans The Rise of Skywalker, mais il y avait plein de trucs comme ça, de mystères, il y avait il y avait plein de petits détails. Ah, il y avait les vaisseaux où je me suis dit, ah, ils remènent les X-Wing, les TIE Fighter. je savais pas trop quoi en faire de ce truc-là, je me rappelle. Je me souviens plus des réactions des autres, c'est-à-dire des gens qui m'avaient dit, on dirait un fan film. Mais ça, il existait dans... Ça, c'est mon sujet, en fait, ça. Je comprends, à la limite, parce que c'est vrai que quand c'est un truc que tu as vu des dizaines de fois, et que tout d'un coup, il y a un truc qui est en plus récent avec une autre sorte d'image, etc. Et puis un autre cinéaste, forcément. T'as l'impression de voir ce qui est quelque part vrai, parce que J.J. Abrams, c'était un énorme fan de Star Wars. Donc c'est un espèce de fan film glorifié, quoi. Mais moi, j'ai trouvé les bandes annonces assez cool, même si elles me laissaient un petit peu dans le mystère. Et à la même temps, c'est exactement ce qu'on demande à un teaser, de pas trop en dévoiler et de donner envie. Et je pense qu'elles étaient plutôt réussies à ce niveau-là, quoi. Oui, très bien. C'est marrant ce que tu as dit sur le fan film. Forcément, ça me rappelle mes recherches, hein, parce que je fais une thèse dessus quand même. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui utilisent cette expression pour parler de manière négative, péjorative des œuvres. Ouais. Ouais. Et c'est moi, ça me fait beaucoup rire, parce que ça veut dire beaucoup de choses sur nos sociétés, sur le capitalisme aussi, sur le comment on appréhende les œuvres, comment ça donne un peu l'idée, ça avance l'idée qu'un film ressemble à telle chose plutôt qu'à une autre, et surtout ça hiérarchise les types de films. Bah regarde Internet, hein. C'est moi J'ai quasiment tous les jours des gens qui, tu sais, quand je poste souvent sur Star Wars, forcément, puisque c'est la plus grosse franchise, et régulièrement, j'ai des gens qui me disent, alors que je les invite pas du tout à me dire ça, mais qui me disent Star Wars n'existe plus, ou Star Wars s'est arrêté quand Disney l'a racheté. Enfin, tu sais, chacun a son truc, parce qu'il y a des gens qui disaient la même chose avant la prélogie, etc. Ça a pas changé. Mais voilà, il y a des gens, eux, pour eux, leur vision de Star Wars, c'était les films de quand on était petit. Mais bon, pourquoi pas? Moi, je m'en fous. C'est juste que me dire ça 1000 fois sous mes posts, ça me fait un peu chier. Non, mais ouais, non, mais c'est vrai. Je peux le comprendre. Mais toujours est-il que, ouais, cette expression-là, on dirait un fan film, et ça a d'ailleurs été réutilisé il y a quelques années avec la sortie de la série Lord of the Rings, vraiment c'est utilisé pour parler des projets. En fait, c'est surtout utilisé pour dédicter un projet qui est enclin à la nostalgie. En fait, c'est une critique. Ouais, mais c'est du gatekeeping. C'est complètement oui, du gatekeeping. C'est drôle de voir à quel point les fans et le concept de fanfilm est mis dans l'équation pour parler d'une chose négative. Et il y a des super. De quoi? Il y en a des super. Bien sûr, 1977. Excellent fin de film. Et bah, c'est ce que j'allais dire. La promo. C'est ce que j'allais dire. J'ai au cours de mes recherches. Ah, c'est bon. C'est à moi de monopoliser un peu la parole maintenant. Au cours de mes recherches, j'ai tenté de m'interroger sur la définition du fanfilm. Et j'en ai proposé une dans ma thèse. Et c'est vrai que c'était super dur à faire comme exercice parce que c'est pas une activité qui a eu beaucoup de littérature scientifique. Le fanfilm, ça intéresse assez peu de monde, curieusement. Et du coup, la définition du fanfilm, elle est super dure à établir. Et vraiment, j'ai essayé de le faire, mais ça a été très très dur et je suis pas entièrement satisfait de ma définition. Et c'est vrai que selon cette définition nouvelle que j'ai faite, je vais pas vous dire ça maintenant, mais it is. Star Wars n'est ouais, pas it is sa thèse. Star Wars n'est pas un fanfilm, mais et c'est ça qui m'embête, on peut pas nier que c'est il y a des choses qui se passent quoi, c'est une sorte de fanfilm. D'une certaine manière, il faut que je retravaille tout ça. Mais c'est vrai que, mine de rien, il y a des éléments fanfilmiques dans de nombreuses œuvres, notamment dans les œuvres importantes pour la pop culture. Quoi. Mais attends, pour reparler de fanfilm, c'est assez d'ailleurs paradoxal, c'est que les gens utilisent l'expression de fanfilm pour dénigrer une production officielle d'ampleur, etc. Et en même temps, dans le cas de Star Wars, il y a beaucoup de mecs quand même ouais. qui disent les fanfilms font mieux que les productions ouais. officielles. Tu vois, c'est un peu... Ouais. Mais c'est ambivalent. t'as raison, Maddy, c'est super ambivalent parce que surtout que... on entendait aussi l'expression « Ouais, c'est une fanfiction. » Et en fait, ça, c'est des critiques... qui sont en plus, à mon avis, hein, misogynes. Parce que, voilà, c'est ça. Misogynes, parce que les femmes écrivent beaucoup plus de fanfiction que les hommes. Les femmes et les personnes queer, d'ailleurs. Et en fait, il se trouve que les fanfilms, c'est une activité majoritairement masculine. Ça, j'en parle dans ma thèse. Et le truc, c'est ça. C'est qu'en fait, ces gens qui disent qu'on dirait un fanfilm, se tire une balle dans le pied, c'est assez drôle parfois. Et du coup, m'a dit qu'est-ce que tu penses. Je pense pas qu'ils réfléchissent aussi. Ah, oui, bon, ça c'est sûr. M'a dit et toi, qu'est-ce que tu est-ce que tu as fait beaucoup d'attentes par rapport à ce fan film ou alors moi je me rappelle surtout de trois choses. C'était l'annonce du film. Tu sais, c'était toujours mystérieux. Il y avait, comme vous disiez, la photo de la lecture du script. Alors moi, j'étais très hype aussi parce que je suivais beaucoup ce que faisait Gwendoline Christie à ce moment-là. Du coup, quand elle avait été annoncée, j'étais très hype. évidemment, la première bande-annonce, ça a été le détonateur vraiment. La hype a monté d'un cran, c'est pour ça que je trouve un peu paradoxal les gens qui disent que c'est comment dire que ça a une vibe complètement différente des Star Wars précédents parce que ça m'a vraiment fait l'effet de on revient dans Star Wars. C'est pour ça les gens qui disent que c'est vraiment complètement différent. Enfin, il y a les Stormtroopers, il y a les TIE, il y a les X-Wing. Il y avait tout ce qu'il fallait. Même la musique de John Williams dans la bande-annonce, il y avait tout ce qu'il fallait pour dire Star Wars est de retour. Et vraiment, c'était la hype de fou. Et on en avait parlé avec mon prof d'anglais à ce moment-là. Et bah, pareil, lui, il était hype de ouf. Hein. Bon, la plupart des gens, je pense qu'ils étaient hype. C'est juste qu'il y avait quelques personnes du fandom qui représentent, je pense, la même chose que la population, qui ont tiqué sur le fait qu'un personnage principal est une femme et l'autre n'est pas blanc. Une personne racisée, ouais. Et je pense que ça suffit à énerver quelques gens. Mais bon, maintenant, je les ignore. Et ils nous pompent de l'énergie pour rien, quoi. Mais tiens, en parlant de mon ex-beau-père, c'est pas particulièrement la personne la plus progressiste du monde. Lui, il a pas compris la déferlante raciste qui est arrivée à ce moment-là. Ouais. Tu vois, même pour un homme qui est quand même plutôt de droite, pour lui, c'était inconcevable que des gens s'énervent parce qu'il y a un homme noir dans un film. Tu vois, après, il faut se rappeler que c'était pile poil à l'époque du Gamergate, c'était 2014. Ouais. Donc c'est le moment où les langues commençaient à délier et qu'est-ce qui est devenu maintenant le monde actuel finalement. C'était le début où je pense qu'il y a les gens osaient plus montrer leur vrai visage tout d'un coup. La fascisation de la société, quoi. Je sais pas, parce que maintenant, tu sais, à l'époque, si tu étais sympa sur Internet, où tu défendais des causes X ou Y, on parlait de virtue signaling. Ouais. Et en fait, maintenant, c'est devenu vice signaling. C'est-à-dire que maintenant, si tu regardes ce qui se passe aux États-Unis, et là, aujourd'hui, j'ai vu encore un post du ICE, enfin, ceux qui s'occupent des déportations, là. Qui chassent les migrants partout là, et bah maintenant ils sont fiers, tu vois, de montrer. Il y a eu un basculement, je pense, à cette époque-là, qui fait que c'est devenu normal de dire des trucs horribles, et tout en mettant la pression sur les gens qui étaient normaux, pour leur dire, hey, tu n'as pas le droit d'être sympa avec les gens et tout. Et ça correspond pile poil, parce que le teaser c'est 2014, ouais. Et Gamergate c'est aussi 2014, quoi. On s'est isolé en tout cas. Les deux mouvements sont liés d'ailleurs, hein, à mon avis. Bah, c'est la faute de la France si on a eu Trump. Hein. Bah voilà. Oh, putain, c'est vrai que le Gamergate, ça a commencé chez nous. Au secours. Au secours. Bref, en parlant de Gamergate, du coup, en décembre 2015, le film est sorti. Non, ça n'a rien à voir, mais je veux dire, il y a eu une explosion de planètes. Je sais pas. Ça n'avait rien à voir, je voulais juste... Attends, on a pas fini les réactions, toi, Grushkov. Comment tu l'envisageais? Comment t'as vu le projet avant qu'il sorte? Bah, moi j'étais un fanboy en couche-culotte. Jeune papa d'ailleurs à l'époque. Oui, et d'ailleurs, justement, quand le film est sorti et qu'on l'a vu au cinéma, et ben y avait le deuxième dans le ventre, du coup. Il a entendu Star Wars épisode 7 pendant qu'il était en train d'ouvrir un amas de cellules. Ouais. Oh, c'est quoi la merde qui regarde les parents là? Est-ce que tu penses que depuis son ventre il était là? Oh, ça ressemble quand même vachement à l'épisode 4. Putain. Oh non, c'est vraiment trop une Marissou. C'est un peu woke, c'est trop une Marissou. Oh non. Oh, c'est l'inverse de lui. Ouais, je sais bien. Rappelle que celui-là, il dit souvent qu'il veut jeter les capitalistes dans l'océan. Donc Oui, c'est vrai. C'est vrai. Quel king. Mais ouais, franchement, moi j'étais. J'étais conquis dès le début, donc c'était assez facile de... Comme vous le savez, de toute façon, si vous écoutez ce podcast régulièrement, et vous qui me connaissez, je suis très bon public. J'aime bien tous les films, même ceux qui sont pas bien, excepté un, mais ça c'est une autre histoire. Je suis différent des autres, mais je suis pareil. C'est ça. Mais même là, j'en parle souvent juste parce que ça fait partie du podcast. On parle de Star Wars, mais dans la vie de tous les jours, je suis pas tous les jours en train de dire putain, c'est vrai que c'était de la merde l'épisode 9. Non, je suis pas comme les haters de l'épisode 8 qui en parlent encore de manière véhémente de nos jours là. Mais nous, on a raison de se plaindre, c'est ça le truc. Ils se disent peut-être la même chose, tu sais. Mais tu te souviens, avant, moi, j'ai pas vu les red flags. Les red flags pendant la promo de l'épisode 9, par exemple. Moi, j'étais en mode, non, vous inquiétez pas, Kintsugi et tout ça. Ah, t'étais à fond avec ton Kintsugi, je me rappelle, c'était incroyable. Donc, j'étais aussi à fond pour l'épisode 7. Et d'ailleurs, c'est le film que j'ai vu le plus de fois au cinéma. Ah ouais ? Combien ? 5. Ah, pas mal. Ouais. Ah ouais ? Ça fait beaucoup d'argent. Oh, ça j'ai vu Matrix 8 fois. À l'époque. Comment ? 8 fois Matrix ! Oh là là. Matrix 8 fois, mais j'avais 19 ans et c'était la fête du ciné. Ah bah c'est ça. Et puis en plus, à l'époque, on savait pas que le film était ouf. C'était à Internet au début, quoi. Donc en fait, moi, je suis arrivé, je suis au cinéma, je fais quoi ? Qu'est-ce que c'est que tu fais ? Enfin bref. Ah ouais. Incroyable. En même temps, t'as raison. Quel banger. Et du coup, en décembre 2015, est sorti sur les écrans à travers le monde. Star Wars, épisode 7, Le Réveil de la Force. Déjà, dans quelles conditions vous l'avez vu, vous normal c'est-à-dire dans un cinéma normal ou genre des séances où il y avait des gens déguisés ou des trucs comme ça? Moi, j'ai une petite anecdote, si vous voulez bien, je veux bien commencer. Est-ce que c'est encore un truc avec Kakashias ou... Non, pas du tout. C'est que, donc, à ce moment-là, j'étais, donc, 2015, j'étais en deuxième année de fac, j'avais vraiment vu les trailers, mais 40 000 fois chacun, c'était absolument terrible, si bien que je suis persuadé que ça m'a un peu gâché l'expérience du film, parce que quand je regardais le film, je me disais, bah, il n'est pas encore passé ce moment. Ah, c'est bon, on a vu tous les moments du trailer, c'est bientôt fini. Oh merde, c'est bientôt fini. Bref. Et du coup, j'étais absolument à fond, j'étais complètement dans ma Star Wars mania. Et donc j'étais en deuxième année de licence de psychologie. Et forcément, l'hiver arrive, fin décembre arrive. Je suis en pleine période de partiel. Le jour de mes derniers partiels, vraiment toute la semaine de partiels, c'était horrible. Et le jour de mes derniers partiels, Star Wars épisode 7 sort au cinéma. J'ai fait mes partiels, donc mes études, dans une ville à une heure de chez mes parents. Je suis rentré chez mes parents après mes partiels et je suis allé voir la séance du soir. Du coup, dans un petit cinéma de campagne, là où j'ai vu tous les films de ma jeunesse, avec mon meilleur pote d'enfance, avec qui on était, et on est toujours d'immenses fans de Star Wars. Et j'avais un masque de Kylo Ren. J'étais absolument fou, vraiment. Vous m'auriez vu à l'époque, c'était... Mais je me rappelle encore dans le cinéma, quand la musique s'est lancée, et quand Star Wars est apparu en grandes lettres à l'écran, mais j'ai eu des frissons, mais comme jamais j'ai eu des frissons au cinéma. Normal. C'était, mais je me suis dit, je vais vivre ça, quoi. Je vis le retour de Star Wars au cinéma, day one, avec mon meilleur pote, comme quand on avait 10 ans, et enfin, c'était incroyable, quoi. C'était vraiment incroyable. Et il se trouve qu'avec cet ami-là, on est allé voir quelques années auparavant l'épisode 1 en 3D au cinéma. On avait adoré, pareil, on avait trop aimé l'expérience, et quelques années après, on va voir le prochain film Star Wars, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Un nouveau Star Wars en plus, quoi, c'est fou. Mais vraiment, alors qu'il avait dit que jamais. Mais je pensais jamais vivre ça, c'est vraiment, c'était dingue, et je me suis même mis à jour dans Clone Wars à l'époque pour pouvoir aller le voir. Je me suis tapé tout Clone Wars. Le pauvre. C'était pour savoir ce qui s'était passé 50 ans avant dans l'histoire. Non, mais je voulais tout faire, quoi. Et je me suis infligé Clone Wars. Bah, c'est bien. Certains épisodes sont cool. Bah, surtout la fin. Moi, perso, ce que je préfère, c'est ce qui a été fait après, en fait. Tu sais, les dernières saisons, là, ouais. La fin de la guerre des clones et tout. Enfin, bref. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Bref, toujours est-il que Star Wars, ça a été, au cinéma, Star Wars épisode 7, ça a été une expérience incroyable. Et purée, trop hâte de revivre ça, quoi. Voilà. Ben, ça arrive. Bientôt. Ouais. Et vous alors? Moi, c'était normal. C'était une séance normale. Voilà. Je me suis endormi au cinéma, comme d'hab. Ça, c'est maintenant, ça. C'est la vache, 10 ans plus tard. Qu'est-ce que j'ai mal vieilli. Ah, bah oui. Ça fait 10 ans. J'ai, c'est ouf, j'ai réellement cette année piqué du nez devant La Revanche des Sith au cinéma. Ok. Il est où le truc pour le bloquer? On peut bloquer le mec. J'étais très fatigué. Non, pour pas défendre, parce que la scène de début, c'est chiant. Non, c'était au milieu. Il y a un gros ventre mou, mais c'est pas de ce film-là qu'on parle aujourd'hui. Non, moi je veux entendre d'abord Maddy et Pierre, évidemment. Eh ben, je t'en prie, Pierre. Moi je l'ai vu sur Paris, parce qu'en fait j'avais déjà l'habitude pour les gros films quand j'étais jeune d'aller toujours au même cinéma, le Max Linder Panorama à Paris. Et j'habitais plus à Paris, mais c'est pas grave, je voulais quand même refaire cette ambiance comme tu disais là, Adrien, le côté avec tes amis et puis waouh, incroyable, un nouveau Star Wars qui sort. Et donc j'étais allé au Max Linder et l'ambiance était géniale, mais c'était pas trop cosplay ou autre. C'était le Grand Rex qui est 100 mètres plus loin, où là il y avait plein de gens qui étaient en cosplay et déguisés, etc. Et l'ambiance était cinéphile, j'ai envie de dire presque, mais enthousiaste. Et mon impression, si mes souvenirs sont bons, c'est d'être content parce que le film. C'était une Madeleine de Proust. C'était un peu l'idée derrière ce film. Hein. C'est-à-dire, on reprend beaucoup de choses des anciens films, on remodernise et on remixe pour en faire quelque chose d'un peu différent et moderne, tout en lançant des nouvelles histoires avec de nouveaux personnages. Et ça, j'avais plutôt été content de que le film soit fun. Quoi. Vraiment, c'était le côté fun. Après, le film en lui-même m'avait beaucoup... m'avait beaucoup fait réfléchir sur ce que j'attendais d'un film Star Wars, parce que déjà, avant dans les articles, j'étais déjà en train de demander des films sans Empire, sans Skywalker, et là, il y a tout qui revient. Donc c'était un peu l'opposé de ce que j'espérais, mais le film qu'on nous a donné, moi j'ai passé un très bon moment, et là, quand je l'ai revu cette semaine pour ce podcast, j'ai encore passé un très bon moment, même si... je pense qu'on va en parler après, qu'il y a des côtés où j'ai moins aimé, quoi. Mais l'ambiance était super et je l'ai revu après plusieurs fois. J'ai essayé d'emmener tous les gens qui connaissent pas trop Star Wars. Mais si tu vas voir celui-là, il est bien, ça va, t'as pas besoin d'avoir vu les anciens pour revoir et tout. Mais je suis pas sûr que j'étais trop convaincu parce que depuis, ils m'ont plus jamais parlé de Star Wars. Ils t'ont bloqué, tu sais. Ah non, ce mec relou. Attends, ouais, moi j'ai quand même été présenté à ma femme, mais je crois que je vous ai déjà raconté une fois. Par un copain, c'est un copain qu'on s'est rencontré, et il m'avait présenté en fan de Star Wars, alors que je suis quand même plus que fan de Star Wars. Et le gars m'a dit, vois-tu Pierre, fan de Star Wars? Je fais, non, je suis pas que fan de Star Wars. Et ça a marché. Mais, ça a marché, mais elle n'est pas du tout fan de Star Wars, mais c'est pas grave. Et non, franchement, le côté. Ah, ça y est, enfin, c'est un bon début de quelque chose, tu vois. C'est pas ce que j'espérais, mais. J'ai passé une super séance de cinéma et après j'ai dû le voir deux ou trois fois, je pense, au cinéma. Mais c'était c'est fou de se dire que c'était il y a 10 ans. Ça veut dire que c'était aussi proche de la sortie de La Revanche des Sith que de maintenant. Et j'ai du mal à concevoir. Waouh. Le temps passé, quoi. Ouais, c'est ça. C'était pile poil. C'est-à-dire qu'on a attendu autant de temps entre ces deux films que là. Mais depuis, sauf que là, nous en 10 ans, on a eu 150 heures de Star Wars ou peut-être même plus, 300 heures de Star Wars. Ce qui me va très bien, perso. Ouais, je trouve que surtout si c'est Andorre. Ouais, bah ça, c'est arrivé une fois. T'attends pas à ce que ça arrive à nouveau avant une dizaine d'années au moins. Ça va. C'est très bien. Moi, j'ai l'Empereur contre-attaque. 45 ans plus tard, j'ai Andorre. Dans 45 ans, j'aurai un autre truc. Ça va, hein, ok. Je demande pas grand-chose. T'as eu quelques trucs entre-temps, quand même. t'es peut-être pas... Oui, des trucs sympas. Non, mais un truc qui te touche au plus profond de ton cœur, j'en demande pas beaucoup. Moi, j'ai des discussions tout le temps avec des gens qui sont là, ouais... une œuvre transcendante. J'ai pas aimé l'une des 10 séries qu'il y a eu. Alors, je veux dire, arrêtez de tout regarder, parce que si, visiblement, il y a plein de trucs que vous aimez pas, attendez qu'on vous dise si vous pensez que c'est bien. Et puis... je trouve ça bizarre, s'il y a un truc qui est génial, par exemple, imaginons que t'adores The Acolyte, mais que t'as pas aimé Obi-Wan Kenobi et Boba Fett, qu'est-ce que tu t'en fiches que t'as pas aimé les autres trucs, alors que l'autre série t'a touché au plus profond de ton cœur? Moi, c'est ça que j'attends du divertissement, un truc qui te touche. Mais ça, c'est parce que, c'est une de mes, et j'en parle tout le temps, hein, c'est vraiment un de mes trucs tout le temps, hein, c'est que je pense qu'on est tous fans de Star Wars. Tout le monde a un avis sur Star Wars. Tout le monde a une histoire avec Star Wars. Et du coup, s'il y a un truc qui est pas bien dans Star Wars ou qu'on n'apprécie pas dans Star Wars, on a absolument envie d'en parler, même si on n'est pas spécialiste ou quoi. On est tous fans de Star Wars. C'est mon truc. Et moi, je trouve ça bizarre dans le sens où tu vois, Star Wars est devenu depuis Disney. C'était l'idée de l'origine. C'est devenu un endroit où on filme des histoires. Ça veut dire que pour moi, comparer, mettre sur le même plan Andor, Obi-Wan, Réveil de la Force et je ne sais pas quoi d'autre, c'est comme comparer Friends, NCIS, Code Quantum. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des histoires qui sont très différentes et que, oui, c'est Star Wars, mais fait par d'autres gens qui ont des affinités, de l'expérience, une histoire différente et donc on ne peut pas s'attendre à aimer tout. Ça serait quand même vachement... Bien sûr. Voilà. Si, on peut aimer tout, hein, mais s'attendre à aimer tout obligatoirement, je trouve ça un peu... moi, j'aurais jamais espéré tomber amoureux d'un truc comme Andor, à l'ère Disney. Ça, je ne pensais pas que ça serait possible. Mais au moins, aimer des trucs comme j'aime bien les autres séries, tu vois. Je sais pas. Je trouve que c'est un peu devoir mettre tout Star Wars comme si c'était obligatoire de tout voir et ensuite de tout mettre dans un espèce de pot commun. Alors qu'en fait, c'est vraiment des histoires qui sont certes reliées par l'univers et certes des fois des personnages. Mais c'est des séries qui sont très, très, très différentes entre elles. Les gens qui sont derrière, ils n'ont pas les mêmes affinités, les mêmes passions et même talents aussi. Hein. Donc, je trouve ça un peu dommage de tout mettre sur le même plan. Quoi. Je vous ai tué par ma voix ou quoi ? Non, j'essaie de trouver comment rebondir maintenant. Maddy, de ton côté, comment ça s'est passé, le premier visionnage ? Je te l'ai raconté l'autre jour, mais du coup, je vais vous le raconter à vous. Moi, je suis un bébé, donc j'étais encore au lycée quand le film est sorti. Le jour de la sortie du film, le matin, on avait bac blanc d'histoire géo. Et avec tous les camarades de classe avec lesquels on comptait aller voir le film, on a tous rushé le devoir pour être à l'heure au ciné. Et ça va, on a tous eu des bonnes notes. Mais ouais, combien t'as eu, moi, je veux savoir, du coup. Je crois que j'avais eu 16 ou un truc comme ça. Oh putain, respect. Bravo. Félicitations, Maddy. Et il y avait une de nos camarades qui était vraiment l'élève hyper assidue, avec des super bonnes notes, qui est restée très tard, et on l'attendait en mode « dépêche-toi ». On la regardait à la fenêtre de la salle en mode « manne ton cul ». Et du coup, on est allé au ciné après. Je suis dans une petite ville, il n'y avait pas de cosplayer ou de quoi que ce soit. Il y avait surtout des ados et des jeunes adultes, comme c'était un mercredi et que la majorité des adultes travaillent. Et la séance était vraiment très sympa. Les gens étaient très réactifs vis-à-vis du film. Il y a eu un cri de surprise à la mort de Han, du coup. Moi, j'étais choquée. J'ai choqué en mode « Ils ont tué Han Solo !» Mais vraiment, c'était une super bonne surprise. Vraiment, tout le monde avait l'air content dans la salle. Mes camarades étaient contents. Je suis rentrée chez moi en mode « Ah, j'ai passé une bonne journée !» Ouais, c'était sympa. Il y a un truc, je t'ai coupé là ou... Oh non, vas-y, j'avais fini. Je veux juste dire un truc, c'est que il y a un truc que j'ai apprécié à l'époque. Alors, C'était déjà le cas pour l'attaque des clones et pour la revanche des Sith. Mais moi, j'ai été très marqué par la sortie de La Menace Fantôme, où il y a eu 6 mois d'écart entre la sortie américaine et la sortie française. Et j'avais dû attendre 3 mois pour aller le voir à Londres, où il était sorti au milieu, quoi, en juillet. Et là, c'était très cool quand même que ça sorte en même temps dans le monde entier. Ça me faisait vraiment plaisir. Encore une fois, c'était pas nouveau. Les deux derniers de la prélogie étaient déjà le cas, mais comme c'était le premier, moi, ça m'a tout de suite ramené les souvenirs de quand j'étais obligé d'attendre 3 mois, d'aller à Londres, machin, alors que là, la simplicité de la sortie mondiale, où simplement, tu vas au cinéma en tant que tout le monde, et paf, tu vois le film sans te faire spoiler la mort de Han avec 6 mois d'avance, quoi. Enfin, sauf si t'étais comme moi et que tu suivais tout comme un bâtard, les leaks et tout. Bah, y avait tellement de leaks faux aussi... Oh oui, mais il y avait basiquement tout le script sans les dialogues, mais toutes les descriptions de toutes les scènes bien en avance. Ce qui était rigolo. Du coup, la description de la scène, c'est Han est face au chevalier noir sur un pont. Le chevalier, c'est ça, le chevalier noir est en détresse. Et je suppose que c'était il est émo. C'est ça que ça veut dire. Un seul des deux s'en va du pont. Ok, bon, Anne va mourir. C'est ça. Spoilers d'ailleurs, si on l'a pas déjà dit avant. voilà. Donc, bon. Oui, c'est tellement différent d'avant, parce que oui, effectivement, les films, maintenant, on a l'habitude qu'ils sortent plus ou moins en même temps. Ouais, partout. Mais mine de rien, ça fait... Enfin, maintenant, c'est une normale, mais à l'époque, c'était... C'est là qu'on se rend compte quand même que c'est cool, quoi, de pouvoir, tu vois, pouvoir voir en même temps que tout le monde, et plutôt qu'attendre et tout. Il y a plein de choses qui nous paraissent normales maintenant, qui n'étaient pas du tout il y a 20 ans. C'est comme quand j'explique à mes enfants qu'à une époque, bah, pour regarder des films, il fallait que j'attende qu'ils passent sur une des 3 chaînes qui étaient à la télé, qu'on n'avait même pas de VHS, qu'on n'avait rien quand j'avais son âge, et que maintenant on appuie sur un bouton et pouf, il y a un film qui apparaît. Et là, ils sont là, non, sérieux, tu vivais au 19e siècle? Je fais, bah oui. C'est comme ça, hein, ça s'appelle vieillir. Très, très bien. Alors, je sais pas comment enchaîner maintenant. Je crois que tu veux dire quelque chose. Non, je sais pas comment enchaîner. De quoi on pourrait parler? On pourrait parler quels étaient quand c'est sorti par exemple rapidement. Quels étaient vos éléments favoris du film? On va rester positif. Parce que moi j'aime bien ça. Bah commence, Grush. La positivité. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le nouveau cast, déjà. J'étais... une grande force, je trouve, du film, c'est que, justement, oui, il réutilise globalement la structure de Star Wars de l'original. Mais du coup, on passe aussi du temps à voir les personnalités, en fait. Ils ont passé plus de temps, je trouve, à écrire les personnages que à écrire une histoire. Et c'est vrai. Évidemment, il y a tout le côté mystère que JJ a mis et qui pensait que quelqu'un d'autre répondrait. Et au final, bon, ça, y a eu plusieurs réponses, mais j'avais pas trop de soucis avec les petites pointes de mystère et tout, parce que de toute façon, les personnages en soi, tels qu'ils étaient présentés, de toute façon, je les trouvais bien, je les trouvais cool. J'adore toujours autant le concept d'avoir un personnage qui vient un peu de nulle part, qui ressemble beaucoup au héros qu'on a eu auparavant, et un personnage qui est le legacy character qui est celui qui est un peu un miroir, mais clairement extrêmement différent de Vador. Et d'ailleurs, on parlera après des réactions des fans, mais je comprends toujours pas le fait d'utiliser, par exemple, le fait que Kylo Ren, c'est pas Vador et tout. That's the point. C'est littéralement, c'est dit dans le film. Et donc voilà, j'ai apprécié les personnages. C'était vraiment Star Wars pour les millennials. Avec le couple gay, le couple des autres personnages qui sont un peu problématiques. voilà. M'a dit de ton côté. Alors bah pareil, le cast, j'étais en mode ils sont trop cool pendant le film. avoir une protagoniste féminine de premier plan aussi, c'était super cool parce que bon, George, c'était pas son truc. Et j'étais un peu émo à cette époque-là, donc moi j'ai adoré Kylo Ren. Tu l'es plus maintenant? J'étais moins Dark Sasuke, enfin j'étais plus Dark Sasuke à ce moment-là. mais ouais, le film était... Enfin, c'est pour ça, tu vois, les gens qui ont commencé à dire « Ah, Kylo Ren, c'est un bébé, il fait que pleurer, et c'est pas Vador. » Les gens, ils reprochent que ça soit pas Vador, et en même temps, ils râlent parce que le film ressemble trop à Un Nouvel Espoir. Ah, ça, c'est la dichotomie un peu de ce film. Des fans de Star Wars. Et... ça, et puis revoir les anciens, ça a marché sur moi, donc... Et la musique aussi, la musique, j'ai kiffé. Et le film était très beau aussi. Pierre, non, Adrien, tiens, Adrien, et on finira avec Pierre. Vous avez déjà dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Mais t'as le droit d'aimer les mêmes choses que nous. Oui, hein. Bah, j'aime c'est les bon, mêmes choses que vous, mais je vais parler d'un autre élément. On n'est pas sûr ce qu'ils ont dit. De quoi? On n'est pas sûr ce qu'ils ont dit. Et du coup, non, j'aime plein de trucs dans ce film, mais on l'a revu l'autre jour, là, et moi, ce qui m'a marqué, c'est encore une fois la qualité des effets sonores, que je trouve merveilleux. Le nouveau bruit du sabre laser, il est incroyable, plutôt les nouveaux bruits sont incroyables. Tout le sound design est vraiment bien foutu, et vraiment ouais, c'est ça a été encore une fois au niveau du son un sans faute quoi. Même la bande originale, elle est merveilleuse, hein. Bien sûr, le thème de Rey est, je pense, un des meilleurs thèmes de Star Wars ever, donc voilà, très bien. Et bien vas-y. Et bien j'ai passé tout le moment où vous avez expliqué ce que vous ressentez sur ce film à hocher la tête, parce que je suis hyper d'accord. le son, les effets spéciaux, tout ça, et puis John Williams, enfin tous les trucs qui étaient déjà posés avant, on va dire, par George Lucas, et ce qui était avant, et nickel, est parfait, hein, franchement, l'univers sonore, visuel, tout ça, super. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est pareil, c'est les personnages. Adam Driver en Kylo Ren. Ah ouais. Moi, je connaissais déjà Adam Driver dans la série Girls, donc dans un rôle complètement différent. Mais donc, j'étais déjà assez fan de l'acteur. Et là, je le trouve juste parfait. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que lui, en tant qu'héritier de Vador, qui sait pas trop où il en est, et émo, comme on dit là, mais... j'ai trouvé ça vache très très intéressant, et que justement c'était le début de quelque chose pour une trilogie qui allait être super intéressant. Et surtout qu'il y a ce côté, tu sais, où il lutte non pas contre le côté obscur, mais il lutte contre le côté lumineux. Et oui, ça, j'ai trouvé ça vraiment génial comme idée. Ouais. Et puis le fait que ce soit en plus le fils de deux des héros de l'ancienne trilogie, quoi. Donc ça, super, moi j'ai adoré Kylo Ren. Et en plus, que j'ai, moi, à chaque fois que je pense à ce film, je pense à une scène en particulier qui est, je pense, ma scène préférée. C'est quand il s'enfuit de Jakku. Et que qui sont dans le faucon, ils viennent de détruire les tailles, et il y a Rey et Finn qui se retrouvent dans le couloir du faucon, oui. Et qui sont hyper excités, et qui sont vraiment en mode, en fait tu te retrouves un peu là-dedans. Il y a ce côté passage de relais, et en plus il y a tout le côté mythe, tu sais, avec le Luke Skywalker. Ah bon, il a vraiment existé, la force et tout ça, même si c'est vrai que ça fait pas si longtemps que dans cette galaxie tout ça a disparu, mais c'est pas grave, bah, à chaque fois, ça fonctionne, hein. Je trouve que ça fonctionne super bien, à la fois les personnages dans leur naïveté énergétique, on va dire, et tout le côté, ah bon, ce qu'on a déjà vu maintenant pour eux, c'est déjà quelque chose qui est presque fake news. Ils savent pas trop qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et tous ces petits détails, à la fois des personnages et de l'univers, je les ai trouvés vraiment, vraiment très intéressants et un super terreau pour faire une trilogie, quoi. Oui. Et c'est là que, des fois, je suis pas tout à fait d'accord avec la critique, souvent, qu'on revoit encore maintenant, c'était pas prévu depuis le début, et du coup, c'est pas bien. Je suis pas d'accord, parce que un film comme ça pose tellement des bonnes bases solides, et je suis désolé, le suivant prend les bases et en fait quelque chose de très intéressant. Je pense que le problème, c'était pas que c'était pas prévu depuis le début, c'est juste que il y a les exécutifs au-dessus qui ont pressé le temps et qui ont pas laissé du coup la possibilité aux créatifs de faire les meilleurs films qu'ils pouvaient faire. Mais là, en l'occurrence, je pense que vu le fait que ça passait après la prélogie, que Star Wars c'est une des plus grosses franchises, que la pression devait être énorme, c'est probablement la meilleure version qu'on pouvait avoir réalistiquement du film. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, très bien. Ouais. Évidemment, c'est pas parfait. Évidemment, il y a plein de choses qu'on peut critiquer, mais avec quand on prend tout en considération dans tous les côtés, je trouve que c'est vraiment un travail fantastique qu'ils ont réussi à faire là, surtout avec une nouvelle génération à ramener. Avec on n'en a pas parlé, mais John Boyega, par exemple, qui est Daisy Ridley, et qui sont tout nouveaux dans l'univers, dans Hollywood. Tout ça qui doivent avoir ça sur les épaules, je dirais la pression est probablement aussi grande que lors de la prélogie, voire peut-être encore plus parce qu'il y a eu la prélogie entre temps que du coup il faut faire plaisir un peu à tout le monde. C'est compliqué, mais ils ont essayé du mieux qu'ils pouvaient et je trouve que ça se ressent, c'est très très solide. Et du coup, pour reparler, du coup, c'est ce que j'essayais j'essayais de transitionner vers ça. Adrien, tu voulais parler du coup des fans et des réactions des fans en général. Parce que c'est là que ça a commencé à tourner au vinaigre. C'est là. On parlait des racistes et tout, des réactions au trailer. Et une fois que le film est sorti, ça a continué de belle ampleur. vas-y. On en a parlé déjà un peu, je pense, beaucoup. On a peut-être un peu tout dit déjà. Oui. Mais c'est vrai que les fans de Star Wars à l'époque, bah voilà, c'est le Gamergate, c'est la multiplication des discours d'extrême droite et fascisants sur Internet de manière un peu décomplexée. Et de fait, on a eu pour la première fois une sortie majeure de films Star Wars avec un monde vraiment connecté à Internet, hein, puisque dans les années 90-2000, il n'y avait pas autant Internet que dans les années 2010, surtout que dans la deuxième moitié des années 2010. Et de fait, on a eu accès à voilà tout un tas de discours, tout un tas de polémiques. Même si j'aime pas trop le terme de polémique, pour moi, il cache un peu le problème. Et c'est là où justement on a pu faire face à des campagnes de harcèlement massif envers notamment Daisy Ridley et John Boyega pour la sortie de l'épisode 7, qui a contraint Daisy Ridley notamment à carrément se couper des réseaux sociaux et à supprimer son compte Instagram, chose qu'elle a fait pendant de nombreuses années, puisque je crois qu'elle a recréé un compte il y a pas longtemps, ou elle a repris son compte il y a pas très longtemps. Ouais, voilà, c'est ça, il y a quelques années. Et jusqu'alors, une autre personne aurait peut-être pu nous mettre la puce à l'oreille. Un autre événement dans Star Wars aurait peut-être pu lui mettre la puce à l'oreille quelques années auparavant. C'est bien entendu le harcèlement massif qu'avait subi Ahmed Best en 99. Jake Lloyd. Ou Jake Lloyd, bien sûr, hein, Surtout le même film, Ahmed d'ailleurs. Best, il paraît que apparemment il était bien protégé quand même par sa mère, Jake Lloyd, ce qui est rassurant. Parce que. Oui, c'est rassurant, bien sûr. Complètement. Et de fait, voilà, on a atteint un stade dans l'histoire d'Internet où la parole est complètement, elle commence à être décomplexée. Et donc, du coup, le sexisme et le racisme pullulent en ligne. Si bien que chaque sortie Star Wars aujourd'hui, mais en fait, chaque sortie culturelle aujourd'hui, en fait, c'est plus de l'ordre de Star Wars uniquement, va être gangréné par l'extrême droite, par des discours racistes, misogynes, sexistes, homophobes, LGBTI-phobes, validistes. Et à l'époque, il n'y avait pas le mot woke, hein, mais je suis certain, pas en tout cas dans ce contexte, je suis c'était certain. SJW. Ouais, c'est ça, à l'époque, ça parlait de SJW, mais c'est vrai que du coup, bien sûr que Star Wars épisode 7 aurait été qualifié de woke à l'époque de sa sortie. Voilà, je sais pas si vous avez des exemples, vous, de discussions, de fans que vous avez croisés ou quoi, à l'époque. Vas-y. Moi, j'ai croisé que des gens qui étaient normaux, on va dire, parce que c'était... Après, dans la vraie vie, mais sur un Twitter, c'était très différent, mais je suis arrivé quand même plus tard que le réveil de la force au Twitter. Mais c'est vrai que tout ça participe finalement à la guerre culturelle menée par la droite réactionnaire dans le monde entier du pays des États-Unis, quoi. C'est vrai que c'est pas que Star Wars, ça dépasse... C'est ce qu'on a encore tous les jours maintenant, malheureusement, quoi. Et c'est ça. C'est pour ça que j'ai du mal, encore une fois, à accuser le fandom ou les fandoms de Ménage d'Oral. Moi, ce que je dis toujours, c'est le fandom, c'est juste à reprendre, c'est comme la réalité. C'est des gens de plein d'avis différents, de plein de pays, et puis il y en a certains qui ont des idées différentes, ce qui n'est pas un problème, et d'autres qui sont violents ou harceleurs, et ce qui est beaucoup plus un problème, quoi. Mais personnellement, j'en ai quand même beaucoup moins depuis que je suis plus sur X, hein, alors là... X, anciennement Twitter, on le rappelle, hein. Ouais, anciennement Twitter, mais Twitter, j'ai des bons souvenirs, alors que X, j'ai pas des bons souvenirs. Non, c'est terrible. Et sur, maintenant que je suis sur Blue Sky depuis maintenant un an, je vois la différence. Il y a beaucoup de, les gens sont beaucoup plus normaux, on va dire. Mais il y a aussi, depuis, je sais pas si vous avez vu, là, récemment, on a découvert que beaucoup de comptes qui réactionnaires sont en fait pas du tout des gens des États-Unis, quoi. C'est des gens qui habitent dans des pays pauvres ou... où ils utilisent l'algorithme de X pour se faire de l'argent en détournant l'algorithme qui met en avant les trucs violents. Ils sont pas cons, parce qu'effectivement, ils peuvent se faire de la thune en faisant comme ça. Il y a quand même beaucoup... je sais pas, mais quand j'étais sur Twitter, il y avait beaucoup plus de contenu violent et haineux que maintenant, où les gens sur Blue Sky me semblent plus... encore une fois, normaux, dans le sens qu'on n'est pas du tout d'accord, forcément, mais dans la façon de parler, il y a peut-être plus cet algorithme qui te pousse déjà à mettre en avant tout le temps les trucs les plus relous, et puis se faire de l'argent aussi avec le système qui avait X de pastilles bleues, qui poussait à ces discours, quoi. Et j'aurais une question par rapport à ça, d'ailleurs, Pierre. Est-ce que sur Blue Sky là récemment, même sur ton Patreon, je sais pas où ça en est, mais est-ce que t'as fait des posts autour des 10 ans de The Force Awakens ou pas encore? Eh ben non, parce que les 10 ans c'est dans une semaine. Ouais, c'est ça, t'as pas encore commencé à en parler. Non, c'est maintenant. On enregistre maintenant. Non, aujourd'hui, encore une fois, c'était les 22 ans de Battlestar Galactica. Chaque chose en son temps. Non, mais par contre, moi j'ai essayé là de faire des trucs. Le problème c'est que j'ai beaucoup de boulot, donc c'est compliqué de faire ça avant les fêtes. Mais là, notamment, normalement, je vais avoir une interview avec... celui qui s'occupait de BB-8 sur le tournage, qui l'animait dans les scènes où il était fait avec la vraie marionnette. Incroyable. J'attends des nouvelles aussi d'un designer qui avait travaillé dessus, mais il ne m'a pas répondu, donc je pense que ce sera trop tard. Et peut-être un autre qui a travaillé sur les vaisseaux aussi. Mais j'essaye, mais c'est compliqué, parce que quand je fais des interviews, le temps qu'on a les autorisations, les machins, les trucs, des fois, je les poste avec 3 ans de retard. Et c'est vrai, ouais, en plus. Tu m'étonnes. Ouais. Est-ce que dans vos vies de tous les jours, vous avez eu des gens qui vous ont mal parlé de l'épisode 7 IRL, j'entends. Oh, ben... En vrai Non. Pas moi, non. Je crois pas. Je parlais pas vraiment de Star Wars avec des gens à l'époque. Pourquoi tu crois que j'ai fait un podcast Mais perso, dans les gens autour, même sur Internet, c'était beaucoup de... Oh, bah, c'est juste un remake de l'épisode 4. Ce qui est... Voilà, c'est la... Voilà, on y est. C'est la principale critique réelle. On va pas parler des autres, on l'a déjà fait. Mais c'est la principale critique réelle, c'est que voilà, effectivement, et ils s'en sont jamais cachés d'ailleurs. Hein, ils ont toujours dit, on fait un truc. Je crois que c'était JJ qui avait dit, on fait un film dont les os sont les os de l'épisode 4, mais la chair autour, c'est du neuf et fair enough. Je pense que c'est un peu... Oui, évidemment. Déjà, ils s'en cachent pas. Donc, c'est... oui, c'est le cas. C'est très ressemblant à l'épisode 4. Ce que je disais, je crois que c'était à toi, justement, sur Blue Sky, Pierre, que le Star Trek de JJ est encore plus un remake de Star Wars épisode 4. celui-là. Tu sais qui c'est qui pleurniche plus que les fans de Star Wars par rapport à J.J. Abrams? C'est les fans de Star Trek par rapport à J.J. Abrams. Parce que les films maintenant de J.J. Abrams sont quand même très spéciaux par rapport à Star Trek. Alors qu'au moins, Réveil de la Force et The Rise of Skywalker respectent, on va dire, le cadre. Alors que les... Moi, je les aime bien. Hein. Enfin, non, j'aime pas trop Star Trek Into Darkness. Mais le Star Trek, le premier, il a aucun rapport avec ce que j'aime dans Star Trek. Mais il est fun. Je me suis bien amusé. C'était le principal, quoi. Mais il avait pas le sens. Pourtant, le scénariste était un fan de Star Trek. Mais je trouvais qu'il y avait pas le... Effectivement, c'était plus Star Wars que Star Trek. Et les fans, ils étaient pas très contents à ce moment-là, quoi. Ils le sont toujours pas. Peut-être mais qu'ils le sont maintenant que... De toute façon, les fans, on est là pour aller, c'est normal, j'ai envie de dire. Par contre, ce que tu dis sur l'aspect remake, moi, c'est vraiment pour moi mon point négatif du Réveil de la Force. C'est que je comprends le truc, hein. J'ai lu les trucs que t'es, là, ce que tu as dit sur J.J. Abrams, je confirme, je l'ai lu il y a 2 jours quand je préparais ce podcast et tout. Effectivement, il a dit un truc comme ça sur les, je sais plus si c'est les os, mais effectivement, il a dit qu'en gros, il reprenait des trucs de Star Wars pour les moderniser. Moi, je sais que quand j'ai vu le film, j'ai trouvé ça fun, mais clairement, t'avais Tatooine, t'avais l'Étoile de la Mort, t'avais tout l'épisode 4 dedans, mais les pièces réparties différemment, ce qui fait que moi, ce film ne peut pas être dans mon classement tout en haut. Il est plutôt au milieu, hein, ce qui est plutôt cool, parce que j'aime quasiment tous les films Star Wars, mais c'est ce qui fait que ça peut pas être, pour moi, un de mes préférés. Par contre, les personnages qu'ils ont inventés pour les inclure dedans, ça, j'ai kiffé. C'est vraiment le côté de ce qu'ils ont rajouté en fait à Star Wars que j'ai aimé, ou même BB-8 qui finalement R2-D2 en version plus survitaminée qui va partout. Ben, j'ai trouvé que c'était une bonne idée d'aller dans ce côté-là. Ce que, ou pareil, dans un truc qui peut être à la fois un défaut et un bon côté, les vaisseaux. Ah, je suis obligé de revenir dessus. Hein. Oui, vas-y, évidemment. Let's go. Mais les vaisseaux, c'est quoi? C'est ta X-Wing, taille, un Star Destroyer, une étoile de la mort. Y a même le transport de Leia, c'est un B-Wing qui a été... d'ailleurs, dans le lore, c'est un B-Wing qui a été transformé. Il y a quoi? Il y a les Ravana, là, le vaisseau de Han Solo, qui est inspiré d'une Nintendo NES, avec son petit clapet, là. Qui a un design original. Il y a le Quad Jumper qu'on voit exploser. Il y a les vaisseaux qui se posent là, enfin, tu sais, au début là. Les transports de troupes. Voilà, ça c'est un petit peu plus, peut-être un peu plus original, mais globalement, ils ont repris les designs des anciens films. Ce qui est à la fois, on va dire, pas totalement illogique dans le contexte de la guerre des étoiles où on peut se dire que les designs qui ont bien fonctionné, pourquoi pas les moderniser, les garder. Ça je comprends. Mais en tant que... Et puis aussi, pour faire revenir Star Wars au cinéma, c'est une bonne idée d'inclure des trucs qui répondent à l'imaginaire des gens. TIE Fighter, X-Wing, etc., c'est une bonne idée. Ouais. Après, le truc, c'est que quand tu regardes The Art of the Force Awakens, le artbook, où tu vois tout le travail qu'il y a eu de conception sur les designs, où tu vois qu'ils ont imaginé plein de designs de vaisseaux et de planètes ou autres, de tout différents. Et finalement, J.J. Abrams, il a décidé de garder les trucs qui rappelaient les anciens films. Et ce que je peux comprendre, après, je trouve que le film, il aurait fallu justement rajouter un peu plus de trucs différents, tu vois, pour montrer que ça se passe vraiment 30 ans après, parce que plein de gens m'ont fait la remarque, non pas qu'ils aimaient pas l'épisode 7, par contre, beaucoup m'ont dit, oui, il y a un côté remake, et oui, on retrouve les mêmes éléments visuels, là où la prélogie... D'ailleurs, George Lucas a dit à un moment dans l'interview où il était déçu, juste avant la sortie de la vidéo de la France, il avait dit un truc du style... que lui, il essaie de faire des films qui changent à chaque fois, alors que là, c'était pour plaire aux fans. Et il avait pas tort, finalement, puisque c'était un peu l'idée de J.J. Abrams. Moi, je trouve que dans ce film, ce qui manque, c'est un peu de variété en plus des grands classiques, quoi. Les X-Wing et tout, c'est super cool de les voir, mais ça aurait été cool d'avoir un ou deux vaisseaux en plus, tu vois, un truc un peu plus pour essayer d'agrandir un peu l'univers. Alors que là, même quand je l'ai revu le week-end dernier... c'est vrai que je suis toujours un petit peu frustré que il met des germes pour quelque chose, mais que pour moi c'est vraiment un film où voilà, j'ai planté des trucs et c'est dans le suivant que ça va éclore. Et j'aurais aimé que dans ce film il y ait déjà plus un peu comme Luke qui arrive à la toute fin. Ça, je trouve ça génial, le fait que ce soit lui le MacGuffin de ce film, mais qui est une ouverture, tu vois, à la fin pour quelque chose. Et là, pour tout ce qui est au niveau de l'imagerie, de ce qu'ils ont à inventer, bah finalement ils ont tellement repris de choses que je regrette un petit peu ce côté de montrer plus que la galaxie, elle est pas plus petite, elle est plus grande, alors que ce film il la rend un peu plus petite au niveau de l'imagerie visuelle. Mais globalement, par rapport à ce que j'ai dit avant, pour moi, ce qui est le plus important, c'est un, le film est fun et je m'amuse à chaque fois que je le vois, et les personnages sont hyper attachants et j'ai envie de les suivre. Donc, c'est des choses qui, pour moi, passent un peu après. Je le pense, mais c'est pas hyper important, quoi. En gros. J'ai fini. Oui, oui, oui. J'attends de voir si quelqu'un d'autre Toujours un bonheur de t'entendre parler, en tout cas, de Star Wars. Tu en parles très bien. Qui, moi? Il est journaliste ou quoi? Je suis pas jamais Star Wars pourtant. Mais non, je suis pas du tout, je suis Space Shipper. Je suis le seul qui a eu un Space Shipper Awards. T'as pas vu l'autre jour? Si. Attends, franchement, les plus puissants du monde sont tellement des gros cons, on peut se faire plaisir nous aussi. Hein. Ouais. T'as bien raison. Et tu sais quoi? On donne un award nous aussi. Ah, merci, c'est gentil. Le plus sexy des Space Shipper. Voilà. Voilà, c'est fait. Tiens, et d'ailleurs, je viens de dire un truc sur les vaisseaux, mais je veux juste noter qu'à ma droite, à environ un mètre, il y a un qui est là. Hein, donc ça veut pas dire que je les déteste, hein, les trucs. Non. C'est juste que je trouve qu'il n'y a pas assez de variété. Voilà, de variété. Ouais, je pense que je suis un peu d'accord avec toi. Bah, ce qui ouais, non, encore plus du côté de la variété, c'est qu'en plus ils ont que des X-Wing, ils ont même pas les Y-Wing encore ou les A ou B, ils ont que les X-Wing chez les gentils. Alors que pourtant quand tu regardes le travail de pré-production et que le Art of monte vraiment en tout petit bout, comme tous les artbooks qui montent en général que quelques pourcentages de ce qu'ils ont fait, il y avait plein de choses. C'est J.J. Abrams qui a dit bah finalement on va, enfin, avec les directeurs artistiques et les production designers, où ils se sont dit, bon, bah, on va faire comme ça. C'est un choix, je comprends. En même temps, j'aurais préféré plus de variété, comme il y a eu dans les autres films, quoi. Est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres choses à ajouter, là? Moi, je pense que tout a été dit, hein. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'était un bon début, je trouve, malgré tout ce qui a été dit sur ce film, je trouve que c'était, pour l'ère Disney, un très bon début, non seulement un succès box-office, mais que ça a permis de lancer la machine et des choses beaucoup plus originales par la suite qui sont arrivées au fur et à mesure, parce que C'est ça, les gens, souvent, beaucoup de gens râlaient parce que c'est un remake, machin, mais il fallait quand même aussi séduire des gens pour relancer Star Wars. C'est pour ça que je disais. C'est grâce aux 2 milliards qui sont faits qu'on a eu après plein de séries et plein de trucs. Quoi. Absolument. Et surtout qu'on a eu le meilleur film Star Wars ever 2 ans après, donc. Solo. Alors, attends, Adrien, tu dois partir maintenant? Ouais, j'aimerais bien y aller bientôt, ouais. Mais si vous avez encore un truc à dire, je peux dire au revoir et tu rajouteras mon au revoir à la fin du truc, comme si j'étais là, quoi. Pierre, tu es là, tu peux te faire plaisir. Est-ce que tu as d'autres choses dont tu veux parler maintenant? Tu veux dire de Andor? Alors, non, Andor, okay, c'est super. Très bien, okay. Très, très, très bien. Si tu viendras pour le son de Andor. On te ramènera. Eh ben, moi aussi, il y a un truc que je veux dire, c'est que je suis très déçu qu'il n'ait pas ressorti au cinéma en décembre, là, parce que c'était l'occasion parfaite pour les 10 ans. Et mon fils est très déçu parce qu'il aurait été hyper motivé d'aller le voir, ils auraient pu se faire de la thune en plus, donc je ne comprends pas trop pourquoi ils n'ont pas fait ça. Parce que Disney, ils sont allergiques à l'argent, je le dis, depuis 2019. Mais grave, mais c'est incroyable. C'est fou. Ils sont juste allergiques à l'argent. C'est fou. Mais il y a plein de choses à faire régulièrement où je fais, mais pourquoi ils ne font pas ça? Et puis ils le font pas, et je sais pas. On va avoir là, ils auraient pu faire un petit peu de thunes, quelques millions peut-être, mais. Heureusement, ils ont repoussé le Avengers là pour qu'il soit pas en même temps que le Mandalorian. Non, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Pourquoi ils les mettaient en même temps comme ça? Ils sont. Bah regarde, Solo, il y a Avengers Endgame, c'est pas vraiment complètement à côté de la plaque, quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà abandonné le film avant même qu'il sorte déjà. Alors que ça, c'était clair et net. Franchement, vu tout le bordel qu'il y avait eu, il est tellement solide. Moi, je l'adore ce film. Bah moi, Solo, honnêtement, la première impression n'était pas excellente parce qu'il y avait trop de réponses à des questions que je ne me posais pas. Mais une fois que j'ai accepté ça, quand je le revois, maintenant, je passe un super moment. C'est un film d'aventure, quoi. C'est ça, moi, j'adore le côté... Bref, on n'est pas là pour parler de tous les autres projets Star Wars. Bientôt. Attends, un autre truc pour rêver de la force, c'était que, à l'époque, j'avais été un peu déçu par ce qu'il y avait autour. C'est-à-dire, il n'y avait pas de choses que je voulais en plus. Par exemple, il y avait le jeu vidéo Star Wars Battlefront, mais c'était un jeu online et je ne suis pas un joueur online. Ouais. Donc, j'étais un peu frustré. Alors que quand l'épisode 9 est sorti, non seulement il y avait Mandalorian à côté, et il y avait surtout Jedi Fallen Order qui faisait que Star Wars continuait à côté, tu vois. Et ça, c'était cool d'avoir ce côté. Ou si t'aimes pas un truc, t'as toujours d'autres choses à côté. Là, le réveil de la Force, il y avait un petit peu. Il n'y avait pas grand chose pour la veille. Il y avait Star Wars Rebels qui avait déjà commencé à l'époque. Mais ça manquait peut-être pour moi de quelque chose en plus, tu vois, pour en plus des romans, etc. Mais un jeu vidéo, par exemple, c'était parfait. Mais ils ont pris beaucoup de temps pour démarrer la machine. Ils n'auraient pas eu le temps de façon 3 ans, tu te rends compte. 3 ans pour faire un jeu en 2012 et il est sorti en 2015, ça fait 3 ans, mais dessus il y a eu plein de problèmes de production et tout, et ils n'auraient jamais pu faire un Battlefront d'ailleurs ils ont dû le faire super rapidement pour après les fans ils râlaient parce qu'il n'y avait pas tout ce qu'ils voulaient, et puis il y a eu Battlefront 2 pour réparer, il y a eu encore d'autres trucs qu'on pas plu. Il a cassé encore plus. Mais il y avait ce côté un petit peu où je voulais plus, tu vois, Star Wars est revenu et je veux encore plus me plonger dedans, et j'avais été un peu frustré, mais finalement t'as raison, c'est le côté, il fallait qu'ils mettent le truc en marche, et maintenant on a plein de séries et tout ça, donc bon. Ce sera plus forcément un problème maintenant. Enfin, on verra. Il y a moins, hein. Il y a moins maintenant. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Quand il n'y a pas trop de choses, je veux dire. Quand il y a assez. Parce que là, il n'y a pas grand chose qui arrive maintenant par rapport aux dernières années. Il n'y a que Ahsoka saison 2 qui le tournage vient de se terminer ou va pas tarder. Et puis il y a les deux films. Il y a le prochain jeu vidéo aussi. Après, il y a plein de jeux. Après, il y a des cartoons, il y a des jeux vidéo. Et ça, c'est cool ça. Ouais. Qui va t'annoncer, il paraît. Je suis curieux de savoir ce que ça va être. Ouais. Oh là là. Ça, c'est bien. Mais oui, je préfère le rythme maintenant qu'ils ont. Bref. Tout ça pour dire, c'était une bonne expérience, c'était cool de revoir, et vous allez pouvoir nous entendre dans notre commentaire audio, parce qu'on a, enregistré un commentaire audio quand on a revu le film la semaine dernière. C'est une sacrée expérience. En plus, sachez que Maddy l'a fait complètement sans le son. Oui. Puisque Maddy n'avait pas le son dans son fichier, Et du coup, quand on parle de la musique, on est « Oh, c'est trop bien, c'est trop bien ». Maddy est là en mode « Ah ouais, j'avoue, c'est trop cool, c'est trop cool ». Maddy n'entendait rien. Maddy n'entendait rien. Maddy est une actrice. Maddy est une actrice incroyable. Donc rien que pour ça, notre commentaire audio, il vaut le coup. Et elle nous l'a dit que le lendemain, hein. C'est ça qui est le pire. On s'en est pas elle nous l'a dit le lendemain. C'était vraiment très drôle. Ça, c'est Actor Studio. Actor c'est... Studio. Ah non, mais Maddy, mais quelle actrice, quoi, vraiment. Mais voilà, c'était bien, c'était cool de le redécouvrir, c'était cool d'en reparler, et surtout avec toi, Pierre. À chaque fois que t'es là, j'ai envie de te ramener pour toutes les émissions, c'est très ouais, bien. Ouais, pareil, hein, c'est cool, s'il te plaît. C'est fou d'avoir des gens, tu sais, professionnels. On pourrait parler Star Wars comme ça, c'est Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars. Tu sais, pendant un podcast comme ça, et ça suffirait, je pense, finalement. C'est vrai. Bah, déjà là, j'étais pendu à tes lèvres. J'allais sortir le truc le plus curse du monde, Grush, et t'aurais dû l'enlever au montage. Vas-y, dis-le, je l'enlèverai au montage. J'allais dire, ça aurait toujours été mieux que Light Rider. Voilà. Oh. Ça suffit. J'ai pas entendu, t'as dit quoi? Non, rien, Dash, je suis nos concurrents. Je bitch. il déteste tous les autres podcasts. Mais non. Fais pas genre, c'est moi qui déteste tous les autres podcasts. C'est nous tous qui détestons tous les autres podcasts. Moi, je suis passé à autre chose depuis longtemps. Non, c'est vrai, je vais te dire, c'est les autres podcasts qui nous détestent. Ah, ça, peut-être. mais voilà. Est-ce que tu peux nous dire, enfin, pas à nous, parce que nous, on sait, parce que moi, je te vois tous les jours. Là, je regarde, je vais sur ma timeline. Qu'est-ce qu'il y a? Du Space Keeper, évidemment. Battlestar Galactica. C'est ça. les vaisseaux de Battlestar. C'est aujourd'hui. Galactica, le Hangar Bay. Mais où est-ce que tout le monde peut te retrouver? Il y a deux endroits principaux, il me semble. Ouais, il y en a un, c'est pas X déjà, ça c'est sûr. Ouais. C'est sur Blue Sky principalement. Maintenant que je suis plus obligé de gérer 8 comptes en parallèle sur 8 réseaux sociaux pour trouver qui sera le remplaçant de Twitter, ça c'est cool déjà. franchement, j'en pouvais plus moi de gérer plein de comptes en parallèle. C'est stressant. Et donc je suis sur Blue Sky parce que c'est cool, hein, c'est un super endroit, je trouve. Enfin, il y a des défauts, mais par rapport aux autres. Je suis aussi sur Mastodon et Trid et Insta, mais je poste très rarement, il faudrait que je m'y remette un petit peu. Mais c'est surtout au Blue Sky, et puis j'ai un Patreon où je mets des articles, comme d'habitude, où je raconte comment on invente des films ou comment on invente des vaisseaux qui n'existent pas. Là, par exemple, je vais bientôt publier un article qui raconte la création du jeu qui s'appelle Ixion, qui est sorti il y a 2-3 ans maintenant. Qui est oui. Un super, je vous le conseille, je vous le connaissez ou pas? Non, jamais entendu parler. Gestion de station spatiale, il est super. Là, je vais un truc où j'explique comment ils ont fait le jeu, et surtout les vaisseaux, bien sûr. Et puis, pareil sur le vaisseau principal d'Avatar bientôt. Là, j'ai le vaisseau de Alien Earth, là, celui qui s'écrase, si vous avez vu Alien Earth. Non. Vous l'avez vu ou pas? C'était lequel? C'est le bon. Vieux film, là? Ah, bah, le premier vaisseau, dans le premier épisode, t'as un vaisseau de Weyland Yutani qui s'écrase sur Terre. Ah, mais non, c'est la série Alien Earth. Oui, pardon. Ouais, la série récente. Et là, c'est pareil. Là, j'ai fait une interview avec le gars qui a dessiné le vaisseau, quoi, en gros. Donc, tu te vois comme ça. D'ailleurs, il y a un mélange de jeux vidéo, série et cinéma, quoi. Tant qu'on parle de Andorre. Si t'as du contenu sur Predator Badlands, appelle Adrien. Ah, j'adore. Et... C'est mon. Ça va arriver, mais il faut les autorisations et tout. Mais oui, j'ai aussi prévu du Predator Badlands quand je peux. Ouais. C'est mon. Je l'ai c'est vu mon... il y a pas longtemps. Elle est cool, hein. C'est mon coup de cœur de cette fin d'année, vraiment. Ouais, franchement, j'ai passé un bon moment. Alors que pour le 6e ou 7e épisode, c'est pas mal d'être bien. Ouais. Et surtout, non, je dirais même mieux, c'est quand même hyper étonnant une franchise où les deux derniers, ou alors je dirais les trois derniers, si je reprends Killer, ouais, c'est les meilleurs. Les trois derniers sont quand même le top de la franchise, quoi. Et alors, fun fact que je répète absolument à tout le monde, Dan Trachtenberg, le réalisateur, il a fait ses armes sur des fan films. Bah oui, il a fait Portal, notamment. Absolument. Qui était super. Absolument. Mmh. Et je me rappellerai vraiment encore de moi il y a des années de ça, regarder Fatima de Parterre en me disant oh là là, trop stylé. J'étais loin de me douter qu'il allait faire très longtemps après un de mes films de SF préférés de 2025. Ouais, surtout qu'il a une approche intéressante de la défranchise, quoi, en respectant les règles, mais en même temps en transformant et en... Les trois films qu'il a fait à chaque fois ils sont tous bien. Un angle différent et en même temps peuvent se rejoindre et ça je trouve ça vraiment et super bien. Ah, les fans de Predator, ils doivent être trop contents tous les trois. De quoi ? De quoi ? Rien, je me moque des. Trois fans de Predator. Ok, d'accord, compris. C'est ça. Non, mais c'est trop bien. Vraiment, Predator Badlands. Et aussi Killers of Killers, c'est incroyable. C'est un film d'animation, Killers of Killers, c'est ça ? Comment ? Killer of Killers, c'est un film d'animation, c'est ça ? Dessin animé. Ouais. C'est une série d'animation. Ah, c'est une série. C'est un film d'ailleurs. Non, c'est un film avec plusieurs histoires. Ouais, c'est une série cachée. Je croyais que c'était des histoires. C'est un film anthologique. Ouais, c'est ça. Mais encore différent. Ok, ok. Enfin, tu vois quoi. Oui, je regarderai quand je pourrai. Sans les enfants. T'es sûr ? Ah oui, alors là, à 100 km en fait. Moi, regardant Invincible avec mon fils de 9 ans, quelle horreur. Oula ! Je déconne, jamais. Bref, merci d'avoir été là, et c'était très cool, et on se retrouvera bientôt, parce que je pense que il faudra qu'on fasse un gros événement pour la sortie du Mandalorian et Grogu, donc... Il faudra qu'on invite plein de monde. Je vais dire plein de mal de film avant de l'avoir vu. ça te ressemble bien. C'est naze, franchement. On dirait un fan film. On dirait un fan film. Il a la galaxie de plus en plus petite. mais voilà. Je te fais de gros bisous. On se fait des gros bisous les uns pareil. Les autres. Évidemment, avec la langue. Yes. Et sur les fesses, voilà. Allez, c'est l'histoire, c'est le dernier épisode de l'année. On remercie aussi chaleureusement, mais sans leur faire des bisous avec la langue et sur les fesses, au cas où on fait pas ça avec eux, Karel, Anthony, Aline, Valentin, Adrien et Adrien pour leur soutien sur notre Patreon. Et évidemment, faites un tour sur celui de Pierre qui. Lui est un vrai journaliste, donc il a... Ça n'existe pas vrai. Donc on rappelle, c'est Space Super. Oui, Space Super avec 2 P. Non, 3 techniquement. Mais... Je confirme. Vous voyez ce que je veux dire. voilà, bisous. Que la force soit avec vous. Et ça fait bizarre de dire du bien de J.J. Abrams. Ça faisait longtemps. Bye. Bye bye. Des bisous. Ciao, bisous. Suivez Faucon Millennial sur Blue Sky et Patreon et rejoignez notre Discord pour encore plus de discussions sur Star Wars et bien plus encore. Tous les liens sont dans la description. Bisous. Voilà, bon bah vous pouvez tout supprimer, je vous déteste. Supprimer quoi ? Non, rien. Supprimer, ok, ça y est.